demoiselle voulait me venir danser, je serai là, j'ai fait sur lequel vous vous reposerez. Donne-moi ton fantel et on se verra même après. Désolé, je tutoyais. Non, sinon c'est sûr que tu te rappellerais de moi. Je suis bouqué dans les tes copines pendant encore des mois. Te fais grimper au rideau et ça jusqu'à les mois. Et elle me dit ça tu dis pas de problème et tu rushes pas à l'action. En 3 minutes à peine se rendant à l'addiction. Ton sort j'avoue que t'es en veine, j'suis en totale possession. Mes moyens comme si je sortais de prison. Tous les deux allongés sur le divan. Je te promets un moment divin. Et je ne m'arrêterai pas avant que perdes tous tes moyens. Yo, tu vas manger. Yeah. Je vais tout donner toute la nuit. Tu vas manger. Yeah. Oui, je te promets aucun ennui. Tu vas manger. Yeah. Je vais tout donner toute la nuit. Tu vas manger. Dès lors que la lumière va s'éteindre. Que sur le lit ton joli corps va s'étendre. Je te préviens, faudra pas venir te plaindre. C'est pendant notre débat, je ne suis pas intense. Cadenerai tout pour que tes fesses attendent. Ce que la plupart des femmes en vont attendre. Si on fait ça chez toi et ta mère t'entend, Jeanne. Préviens laquelle je ne serai pas pour autant son genre. Car je ne cherche qu'à serrer, rien de sérieux. Car c'est vrai que c'est mieux de ne pas se mentir. Attirer dans mes causes insérées, insidieux. Ce serait fastidieux juste pour anéantir. Je ne fonctionne pas comme ça. Je préfère que ce soit clair dès le début entre toi et moi. Je te promets rien de plus, je sais que je n'en verrai pas. Mais une chose dont je suis sûr, c'est que tu ne m'oublieras pas. Parce que tu vas monter, yeah. Je vais tout donner toute la nuit. Tu vas monter, yeah. Oui, je te promets aucun ennui. Tu vas monter, yeah. Je vais tout donner toute la nuit. Tu vas monter, yeah. J'aime quand elle fait des pleine action, c'est ça qui est bon. Je ne la fais jamais de l'entendre faire des en pleine action, c'est ça qui est bon. J'aime quand elle fait des en pleine action, c'est ça qui est bon. Je ne la fais jamais de l'entendre faire des en pleine action, c'est ça qui est bon. Tu vas manger.